Troisièmement, Église. Nul doute que Bezec n'exista comme paroisse avant la fondation du prieuré de Saint-Guénolé. Mais, après l'établissement des religieux de Landévennec sur l'îlot de Conques, la chapelle du prieuré s'ouvrit comme en beaucoup d'autres lieux aux fidèles du voisinage. Avec le temps, l'îlot et les campagnes les plus proches devinrent une circonscription ecclésiastique rattachée à la paroisse de Bezec comme fillette selon l'expression ancienne ou trêve. De ce fait et de l'expression Bezec-Conques est née cette confusion que nous avons signalée, reportant à Bezec le château, la justice royale, tous les attributs de Conques, trêve de Bezec. La chapelle du prieuré, sous le vocable de Saint-Guénolé, devint l'église tréviale. Après la fondation d'un hospice, une autre chapelle s'éleva sous le vocable de la Trinité. En 1636, Dubuisson au Benet signale ces deux chapelles et même une troisième. Il écrit « Dans la ville, il y a trois églises, la grande chapelle de Saint-Guénolé, bien jolie, Notre-Dame du Portail et l'hôpital de la Trinité. » Saint-Guénolé, chapelle du prieuré, et la chapelle de l'hôpital, la Trinité, étaient très voisines l'une de l'autre dans la partie à l'est que nous avons signalée comme la plus large de l'îlot. C'est ce que permet de voir un plan de 1755 qui en cet endroit écrit « les églises », bien qu'il n'en marque qu'une, sans doute Saint-Guénolé. L'église de Saint-Guénolé fut reconstruite au XIIIe siècle. C'est du moins le caractère d'architecture que lui attribue la vue de Concarneau, gravée au XVIIe siècle, et les souvenirs des personnes qui en avaient vu les ruines avant 1830. Plus haut, j'ai signalé la tour carrée sans cloche à la façade et la nef très élevée. Il faut ajouter que cette nef était coupée par un transept portant à l'intersection un clocher en aiguille. On a gardé le souvenir de très beaux vitraux au chœur. La chapelle Notre-Dame était vers l'ouest, en arrière de la porte principale et du pont-levis. Au XVIIIe siècle, elle était dite du rosaire et servait aux assemblées de la communauté. Le dessin du XVIIe siècle, mentionné plus haut, complète les indications du plan. Le prieuré de Saint-Guénolé a subsisté, au moins en droit, jusqu'à la Révolution. En fait, les religieux avaient, en 1727, abandonné leurs biens de Concarneau à l'hôpital de la Trinité, moyennant une rente de un sol par an. En 1681, une déclaration du recteur de Bezec-Conques et de l'église priorale de Saint-Guénolé desservit en la ville de Concarneau, énumère les immeubles débiteurs de rente à la fabrique. Ces immeubles sont situés en Tréguin, Lanriec, Névée, Bezec et Conques. À Conques, les rentes sont payées surtout par les maisons de l'île et pour une mince partie par Pénéroff. Le chiffre total est de 185 livres ou 620 francs environ de notre monnaie. L'église de Saint-Guénolé subsistait en 1788. Elle avait besoin de réparations qui ne furent pas faites. En 1804, quand le culte fut rétabli, l'église admirée en 1636 par Dubuisson était en ruine, et le culte se célébra dans la chapelle de l'hôpital très insuffisante. Enfin, 24 ans après, en 1828, Saint-Guénolé fut reconstruit à la même place. Depuis le Concordat, Bezec-Conques était doyenné. Le 24 août 1831, une ordonnance transféra la cure de Bezec à Concarneau et la succursale de Concarneau fut transférée à Bezec. Je n'ai pas voulu interrompre les renseignements que j'avais à donner sur ces églises, mais il me faut revenir en arrière sur quelques points de l'histoire ecclésiastique de Concarneau. Aux premières années du XVIIe siècle, les habitants avaient bien peu profité des instructions de leur clergé. Autrement, comment comprendre ce que nous apprend le premier biographe de l'abbé Michel Le Noblet? En 1615, ce saint homme, étant venu à Conques, prêcha avec sa ferveur ordinaire sur des points élémentaires de la doctrine chrétienne. Pour ses auditeurs, sa prédication fut une nouveauté et fit scandale. Ils crurent avoir entendu un prêtre insensé. Le pieux missionnaire, ajoute son biographe, passa à Pont-l'Abbé voir si la pêche serait meilleure que dans sa dernière pêcherie. Un demi-siècle plus tard, en 1667, c'est le père Julien Monnoir qui vient donner une mission à Concarneau. Mais il arrivait dans des conditions plus favorables que son maître et prédécesseurs. Depuis 15 ans, il évangélisait la Basse-Bretagne et sa mission de Concarneau eut son succès habituel. Il faut saluer en passant la sainte et grande figure du père Monnoir. Pendant la révolte du papier timbré, il avait empêché le soulèvement de plusieurs paroisses, et, si on l'eût laissé faire seul, il était capable de pacifier le pays et de prévenir, en la rendant inutile, l'affreuse répression qui allait déshonorer le duc de Chaulnes. À 77 ans, après 42 ans de travaux évangéliques et plus de 400 missions, le père Monnoir s'arrêta pour mourir, 29 janvier 1683, au cours d'une mission. Note, le père Monnoir mourut à Plévin, commune de Mael-Carhaix, arrondissement de Guingamp. L'église de Plévin garde son tombeau toujours en vénération. Fin de note. Le grand apôtre ne mourait pas tout entier. Le père Vincent Martin, son compagnon depuis 15 années, allait le continuer. Mais 3 ans plus tard, il tombait au cours d'une mission à Plouisy, près de Guingamp, le 9 novembre 1686. Le père Guillaume Leroux, âgé de 33 ans, prit sa place, qu'il allait occuper 40 ans jusqu'à sa mort presque en chaire, Lautet, arrondissement de Châteaulin, le 17 juillet 1725. Tels étaient ces missionnaires bretons, mourant tous comme des soldats sur la brèche. Après 15 années, le père Leroux allait avoir pour successeur à la tête des missions de Bretagne son neveu à la mode de Bretagne, le père Thomas Corret. C'est à Concarneau, en 1741, que celui-ci commença un laborieux et fécond apostolat qu'allait interrompre, après 20 années, l'arrêt prononçant l'expulsion des jésuites. Pour le sauver de l'exil, l'archevêque de Paris réclama le père Corret comme aumônier de la maison royale de l'Enfant Jésus. Il y vécut jusqu'en 1782. Cet éminent et saint religieux était le frère cadet d'Olivier Louis, père de la tour d'Auvergne Corret. Celui-ci, privé de son père à 5 ans, trouva dans son oncle un second père et lui rendit jusqu'à la fin les devoirs de la piété filiale. Le père Corret et ce vieil oncle, ce bonhomme pauvre, que le futur premier grenadier visitait et essayait de secourir chaque fois qu'il passait à Paris. Tous les biographes ont parlé de ce vieil oncle. Pas un n'a cherché qui il était. Il a fallu que je révèle son nom plus de 100 ans après la mort de son illustre neveu. Je mentionnais plus haut la procession de la Fête Dieu à Concarneau. La procession traversait la grève. Et voici un fait rapporté par un auteur dont je traduis mot à mot le latin. Dans le diocèse de Quimper, en la ville de Concarneau, à la fête du Saint-Sacrement, la procession se fait toujours vers 10 heures du matin. La procession traverse la grève et le flot lui cède la place. Si à ce moment la mer monte, elle baisse sensiblement, laissant la voie libre aux fidèles qui suivent le corps du Christ. Et jamais la procession n'a été retardée, même quand à la sortie de l'église, la mer montait. Acte public, c'est-à-dire procès-verbaux authentiques dressés sur l'ordre de l'évêque. D'après l'auteur, il y aurait eu plusieurs procès-verbaux. Cambry n'en rappelle qu'un seul. La vérité est qu'il n'existe aucune trace à Quimper des procès-verbaux, ni même d'un procès-verbal unique. Voici une explication du fait proposée par les rédacteurs du bulletin de la commission diocésaine de Quimper. Au XVe siècle, la procession de la Fête Dieu était établie en France, et l'on peut croire que c'est en ce siècle qu'avait lieu à Concarneau le prodige dit plus haut, qui cessa, croyons-nous, à la fin du siècle, lors du remaniement des fortifications par la duchesse Anne. Pour expliquer le prodige, nous supposons qu'avant cette époque, les murailles se terminaient au côté ouest par l'enceinte qui actuellement est la seconde après le passage du pont-levis. Et c'est pour cette raison que la chapelle voisine s'appelait Notre-Dame du Portail. À cette époque, il n'y avait ni fossé ni pont-levis, autrement pas plus qu'aujourd'hui, il n'y aurait eu lieu à miracle pour passer à pied sec. Mais alors, une sorte de sillon couvert à marée haute joignait la ville à la terre ferme. On conçoit dès lors qu'arrivant de Bezec, la mère église, toujours à la même heure, la procession eût dû, quelquefois du moins, être naturellement retardée de 15 à 30 minutes dans son passage. et c'est pour n'avoir jamais été retardé que l'on parle de prodige, qui cessa d'être constaté et tomba peu à peu dans l'oubli. Depuis l'établissement d'un fossé et d'un pont-levis permettant l'entrée de la ville à toute heure de marée, transformation que nous avons attribuée par hypothèse à la duchesse Anne, mais qui fut certainement exécutée dans le courant du XVIe siècle. Quatrièmement, hôpital. Nous avons vu que, dès avant 1636, Concarneau avait un hôpital. Note. L'hôpital devait remonter au moins au XVe siècle, comme l'indique le style de la chapelle subsistant encore. Fin de note. Cet hôpital n'était pas riche, et en 1727, l'abbaye de Landévennec lui abandonna, comme nous l'avons dit, les biens de son prieuré de Saint-Guénolé. L'hôpital avait des charges assez lourdes, car il recevait non seulement les malades pauvres de la ville, mais les malades des navires, quelquefois nombreux, stationnant dans le port. Il était desservi par ces admirables filles de Saint-Thomas de Villeneuve, qui, nées en Bretagne et au bord de notre mer, semblent vouées aux soins des marins. En 1772-73, l'hôpital fut encombré. Concarneau fut ravagé par une terrible épidémie et les filles de Saint-Thomas ne s'y étaient pas épargnées. Or, 20 ans plus tard, au premier jour de novembre 1793, les pauvres et les marins soignés par elles les virent partir sous escorte pour les prisons de Quimper. Un décret du 18 août 1792 avait supprimé leur communauté. Toutefois, elles continuaient à titre personnel leur service aux malades pauvres. Mais le comité de surveillance de Quimper ayant chassé les religieuses des hôpitaux, le comité de Concarneau l'imita. Il montra même plus de civisme. À Quimper, on avait commencé par interner les religieuses chez des parents ou des amis, et on leur avait laissé leurs vêtements. À Concarneau, elles furent refusées à leur famille. Le jour de leur arrestation, leurs linges et leurs vêtements furent mis sous séquestre. Et 4 mois plus tard, le comité de Quimper les réclamait en vain pour elles. Or, de ces religieuses, l'une avait 73 ans, l'autre 71, une troisième était aveugle. Mais l'infirmité ni la vieillesse ne devaient sauver ces pestes publiques de l'incarcération. Note. Le comité de Quimper les nommait réfractaires, fanatisés, calotinocrates. À Nantes, on disait calotinocratinettes, peste publique. Ce dernier mot revient en usage, mais que ceux qui l'emploient ne se flattent pas d'avoir le mérite, l'honneur de l'invention. Le mot est une vieillerie. Fin de note. La loi attribuait une pension aux religieuses chassées de leur couvent. L'incarcération suspend le paiement de la pension, c'est une économie. L'administration n'assure pas leur subsistance, autre économie. Le comité de Quimper supplie le directoire du district de leur assurer une nourriture suffisante. Il n'obtient rien et les détenus souffrent de la faim. La loi avait déclaré l'assistance du pauvre dette nationale. Et elle avait suspendu la vente des biens d'hospice jusqu'après la mise en activité de l'assistance publique. Mais c'était remettre la vente à un terme indéfini. Des patriotes désintéressés se montraient impatients d'acquérir à prix vil et payables par annuités des biens considérables. Pour leur donner satisfaction, et par une violation formelle de la loi, des biens d'hospice furent vendus. Voilà comment tant d'hospices ont disparu. Et voilà pourquoi, après un siècle passé, Concarneau n'a pas d'hospice quand il a une population de 8 000 habitants.